Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire Lindros. The Quebec Nordiques are very proud to select as first pick overall in the 1991 NHL annual draft from the Oshawa Generals of the OHL, Eric Lindros. Le directeur gérant des Nordiques de Québec, Pierre Pagé, qui annonce le 22 juin 1991 que le premier choix de son équipe au repêchage est celui d'Éric Lindros. Au moment de faire cette annonce, Pierre Pagé sait très bien que Lindros ne veut pas venir jouer à Québec. C'est le début de l'affaire Lindros, une affaire de gros sous, de négociations interminables qui va enflammer la presse sportive et qui va blesser dans leur amour-propre les partisans des Nordiques de Québec. Nous sommes présentement en compagnie de Maître Aubut. Un gros point vient d'être réalisé. Les Nordiques ont sélectionné Lindros. Maintenant, la mission périlleuse commence. Mais vous avez l'habitude avec les Nordiques des missions périlleuses. Oui, rien de facile chez nous, comme vous savez. Repêchage à date se déroule bien. L'affaire Lindros, ça s'est bien déroulé dans les circonstances. Il nous reste maintenant à tout faire pour le signer. Et on va passer une bonne partie de l'été à faire ce travail-là. Mais est-ce qu'on n'est pas confronté, dans le cas présent, à une certaine démesure? Parce que ce jeune-là a beau être talentueux, il n'a pas encore donné un coup de patin dans la Ligue nationale et on parle de millions de dollars. C'est incroyable. Sans vous dire quel montant on va offrir, il reste que c'est unanime au niveau de tous les experts de hockey de l'Amérique qu'il s'agit du meilleur joueur de la dernière décade. Alors même s'il n'a pas encore mis une rondelle de la Ligue nationale dans un but, Kamensky non plus n'a pas encore fait ça. Et puis on vient de payer un bon salaire. Alors, il y a des bons arguments de son côté parce que tout le monde dit que ça va être le joueur de la prochaine décade. Marcel Aubut, le propriétaire des Nordiques de Québec, le jour du repêchage d'Éric Lindros, le 22 juin 1991, pour nous faire revivre l'affaire Lindros, l'historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Laurent Turcot, qui est aussi directeur de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et du divertissement. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. Laurent, c'est clair en écoutant cet extrait de Marcel Aubut, les Nordiques veulent à tout prix mettre la main sur Éric Lindros. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que Marcel Aubut le dit que c'est le plus grand joueur de la dernière décade. Hein? Il était très, très, très... Décennie. On va corriger son erreur tout de suite. C'est fait. Salutations, M. Aubut. Et l'autre problème, en fait, qu'on a ici, c'est que Éric Lindros, c'est le plus grand. On l'appelle même « the next big one », c'est-à-dire celui qui va remplacer Wayne Gretzky, qui va remplacer Mario Lemieux, qui est appelé à devenir le joueur d'une organisation, mais plus encore le joueur de la Ligue nationale. Il est très jeune, à peine 18 ans, et 6 pieds 4 pouces, 230 livres. Partout où il est passé, il a gagné avec les Generals d'Oshawa, avec l'équipe Canada Junior. Bref, on le sait que c'est un joueur d'organisation, ouais. Mais plus encore un joueur qui peut attirer. Et Marcel Aubut, au moment où, de l'extrait, nous abuse complètement parce qu'il le sait qu'il ne le signera pas à ce moment-là. Il y a eu des rencontres préalables, on va en parler dans quelques instants, mais il est clair qu'Éric Lindros ne jouera pas à Québec. Et d'ailleurs, ce moment-là qui, moi, me donne encore des frissons, est très troublant parce que c'est une des rares fois où un joueur qui est sélectionné au premier rang ne met pas le gilet. On avait fait floquer le gilet des Nordiques au nom de Lindros avec son numéro. Quand il est repêché, il se lève, il serre la main quand même de Pierre Pagé, de Marcel Aubut, mais il prend le chandail des Nordiques et il le garde à la main très bas. C'est très fort. Comme ça, le message est très, très, très direct. Je ne veux pas jouer pour cette équipe. Et c'est vrai qu'ils le savent quand ils le repêchent, mais ils s'essayent. Ils se disent, on entendait M. Aubut qui disait, on va réussir à s'entendre avec lui, mais ils savent que ce ne sera pas facile. Ils le savent parce que les négociations ont déjà commencé, Laurent Turcot. Ben oui. Ça commence quand? Ça commence parce que les Nordiques sont très, très, très, très, très, très, très mauvais, disons-le comme ça. Ils vont avoir le premier choix de 89, 90 et 91. Donc, c'est une équipe qui est dans le fond de la cave. Et dès la fin de la saison 91, ils terminent dernier. Donc, automatiquement, ils vont avoir le premier choix. Aujourd'hui, c'est par une loterie. Pas à l'époque. Vous finissez dernier, vous aviez le premier choix au repêchage. Et celui qui était éligible pour la première fois, c'était Éric Lindros. On avait deux choix. Alors, soit on repêchait Lindros et il pouvait, et ça les gens l'ont oublié, il pouvait refuser d'être repêché. Ce qui fait que les Nordiques auraient perdu leur choix. Ouais. Deuxième choix, il le repêche et il refuse de jouer. autre choix, ils le repêchent et ils acceptent de signer. Donc, de ces trois choix-là, les Nordiques vont faire le coup de bluff parce que ouvertement, Eric Lindros, quand il le sait que c'est les Nordiques qui vont l'avoir, vont dire « Je ne veux pas jouer pour Québec. Ça ne m'intéresse pas. » Mais il veut être repêché. Il veut être adhéré à ce circuit, la Ligue nationale de hockey, d'où on y revient, en fait. La poignée de main, j'accepte d'être repêché dans la Ligue nationale par les Nordiques, mais je mets pas votre chandail. Tout à fait. Mais quand il est repêché, allons dans les technicalités, il avait encore deux années de junior. S'il retournait dans le junior, il y avait deux ans pour signer un contrat. Et s'il allait jouer en Europe, les Nordiques avaient quatre ans pour le signer. Donc, c'est pas une épée de Damoclès qui est au-dessus de l'équipe comme de Lindros. On a du temps et on le sait. Lindros est jeune. On s'entend que son gabarit prouve qu'il serait capable tout de suite d'intégrer l'équipe de la Ligue nationale, mais on le sait qu'on peut le faire attendre et lui-même le sait qu'il n'est pas obligé de se lancer le plus vite possible et qu'il a, disons-le comme ça, le gros morceau pour la négociation. Alors, je vous pose la question sur cette négociation. Ça commence autour d'une table, dans un souper à Buffalo. Ça commence autour d'une table, exactement, parce que le repêchage cette année-là est à Buffalo et on reçoit non pas seulement Eric Lindros, le clan Lindros, parce qu'on a Bonnie, dans un premier temps, qui est la mère, et Carl, qui est le père, et aussi l'agent Rick Current. Et tout ce monde-là est rassemblé autour de la table et on essaie de négocier pour voir est-ce que vous êtes intéressé. Et là, selon les dernières informations, parce que ça sort encore aujourd'hui, de peu à peu, parce que tout ce petit monde-là a pris sa retraite, Marcel Aubu aurait fait un commentaire en français désobligeant que la mère d'Eric Lindros aurait entendu et, contrairement à ce qu'on pense, elle comprenait le français. Donc, elle aurait été extrêmement insultée. Et là, la question, on ne sait toujours pas, même 20 ans après, on n'a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'était pas une référence à caractère sexuel. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui peut blesser? C'est un peu l'équivalent du Zidane. Qu'est-ce que Matteo Materazzi a dit à Zinedine Zidane pour qu'il lui donne un coup de tête? C'est exactement la même chose. Et beaucoup de surinterprétation qui a été faite du cas Lindros laisse de côté cet événement crucial, mais de très faible intensité. Parce qu'au fond, ça part mal et ce courant qui ne passe pas entre... parce qu'elle emmène là, la mère d'Eric Lindros, Bonnie Lindros, le courant ne passe pas, surtout entre elle et Marcel Aubu, puis tout le clan va finalement trouver à redire contre Marcel Aubu, mais au départ, c'est la mère avec qui ça clique pas, comme on dit. Et on en aura un autre exemple tout de suite après, parce qu'après Buffalo, il y a un autre souper d'organiser à Toronto. On fait venir Guy Lafleur, que Lindros aime beaucoup, et là encore, ça ne marche pas, le courant ne passe pas. Absolument pas. Souvenez-vous, en fait, pour ceux qui suivait le hockey à l'époque, Guy Lafleur a fini sa carrière au Nordique de Québec en 91. Donc, on se saisit de Guy Lafleur, qui est l'icône par excellence. On dit, on va l'amener à Toronto. Et lui-même, il va écrire dans les colonnes du Soleil en 93, donc quelques années plus tard, il va dire, « Quand je suis arrivé sur les lieux, je l'ai compris tout de suite, les Nordiques n'avaient aucune chance. Des choses irréparables s'étaient passées, les jeux étaient faits. » Donc, lui-même, quand il arrive à ce moment-là, il se dit, « Je sais pas pourquoi on m'a fait venir à Toronto. » Ils veulent pas signer à Québec. C'est vrai qu'on l'a oublié, mais donc le facteur Aubu, on peut tout de suite le dire et l'établir. Dans cette affaire Lindros, ce facteur Aubu sera très, très important, ce désamour entre le clan Lindros et Marcel Aubu. Cela dit, les négociations se poursuivent, parce qu'évidemment, les Nordiques trouvent que c'est le joueur qu'il faut absolument aller chercher. Ça se poursuit tout l'été, ça mène nulle part, mais l'affaire devient très médiatisé, la presse sportive s'enflamme au Québec autour de cette affaire Lindros. Et la population de Québec le prend, comme on dit, personnel. On écoute là-dessus un reportage extrait du téléjournal, en fait, du 8 septembre 1991. À Québec, Eric Lindros, ce hockeyeur repêché par les Nordiques, mais qui a juré de ne jamais jouer à Québec, a dû répondre aux questions pressantes des journalistes québécois qui voulait savoir pourquoi le jeune Ontarien détestait tant les Nordiques. Eric Lindros participait à l'entraînement de l'équipe Canada qui doit affronter demain l'Union soviétique. Lucie Tremblay a préparé ce qui suit. Ses coéquipiers ne le laissent pas seul une seconde et le relationniste d'équipe Canada, lui, est un chien de garde exemplaire. Pas moyen donc de faire une entrevue seul à seul avec lui. Heureusement qu'il y a eu une conférence de presse, mais encore là, le relationniste contrôlait tout. C'est assez, a-t-il dit au bout d'une bonne vingtaine de questions sur les raisons que peut bien avoir Eric Lindros pour refuser de jouer ici. Le jeune n'a pas l'air d'ailleurs de savoir trop pourquoi il ne veut pas venir à Québec. I feel I don't want to be part of. Il a atteint les Québécois au cœur. Il a véritablement dit des choses qui ont été très mal perçues par les Québécois. Il suffit de rencontrer les gens pour savoir comment est-ce qu'ils sont malheureux. Le grand test, c'est pour demain soir et les billets s'envolent. Nul doute que le Colisée sera plein. Et c'est à ce moment-là qu'on saura si les gens de Québec en ont assez, s'ils sont exaspérés des déclarations d'un jeune hockeyeur de 18 ans qui se prononce contre la ville, contre les francophones et aussi contre une éventuelle séparation du Québec. On va revenir sur la réaction des Québécois dans un instant, Laurent Turcot, mais qu'est-ce qu'il dit exactement? La fin du reportage de Lucie Tremblay est assez fort. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, on va contextualiser un peu parce qu'il faut se replacer. On comprend pas pourquoi Éric Lindros fait partie d'équipe Canada avec tous les grands joueurs. Ben, en fait, c'est que c'était la Coupe Canada qui se dirigeait, qui était dans différentes villes, dont Québec. Oui. On est en septembre 91, donc Lindros a été repêché. Il refuse de jouer toujours, mais il s'amène à Québec. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lindros n'a jamais fait partie de la Ligue nationale et c'est le seul joueur qui a aucune expérience. Il est avec Paul Coffey, avec Marc Messier, avec Brent Sutter, Scott Steven, Ed Belfour, Éric Desjardins. Bref, des joueurs vraiment plus grands que nature. Et lui, qui est tout jeune, arrive là. Donc, il arrive avec l'équipe Canada pour affronter l'URSS à Québec en septembre 91 au Colisée. Et là, tous les journalistes se disent « Ah, on va en profiter. Là, on va avoir notre vrai test. » Il est à Québec. Ben, oui, Marc Simoneau, qui est à la radio, va dire « Écoutez, essayez de l'accueillir en l'applaudissant et non pas en le huant pour montrer que nous, on va bien faire les choses. » Mais Éric Lindros, vous l'avez dit, va faire plusieurs déclarations assez maladroites. Comme par exemple, il va dire qu'il y a trois raisons majeures qui font qu'il ne veut pas venir pour l'organisation des Nordiques. Et il va le dire en anglais, « The taxes, the size of the place and the language ». Donc, les taxes, la grandeur de la ville et la langue. Et ce qui va être encore plus choquant, c'est qu'un journaliste va lui dire « Oui, mais si c'était pas Québec, si on vous demandait de venir jouer à Montréal, est-ce que vous seriez d'accord? » Et là, il va avoir cette réponse qui va extrêmement blesser les gens de Québec. Il va dire « Probablement ». Il va dire pour Québec, il dit « Écoutez, Québec, c'est une belle ville à visiter, une belle ville pour sortir. Je n'ai rien contre les francophones. J'aime la culture française. Elle donne de la diversité au Canada. » Avant de poursuivre, « Québec est une ville où je ne peux m'établir. Ouais. » Là, vous allez me dire « C'est incohérent. » C'est pas une question de cohérence, c'est une question de comprendre il le personnage. Il ne veut pas vivre à Québec, au fond. Exactement, parce que c'est un petit marché. Et quand on dit petit marché, c'est minuscule marché quand on compare à New York, quand on compare à Montréal, quand on compare à même Los Angeles. Ce sont des mégalopoles que Québec ne peut pas incarner. Et ça, on mettra, puis on y reviendra à cet aspect très économique parce qu'il va être important dans l'équation. Mais les gens ne le voient pas. Il y a comme un psychodrame qui se développe autour, très émotif. Il y a une réaction très émotive qui se développe autour de cette affaire-là, du côté de la population. Écoutez, même les politiciens, Laurent Turcot, vont s'en mêler. Ah oui, les politiciens vont s'en mêler, mais on a l'impression que tout est dirigé vers Québec. Mais encore une fois, il faut recontextualiser la chose. Parce que revenons un petit peu, avant de parler des politiciens de l'époque, en 1988-89, alors qu'il va devenir junior et qu'il risque d'être repêché par les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, qui était dirigé par le grand Phil Esposito. Et là, on se dit, bon, ben, il va accepter. Eh ben non, le clan Lindros refuse d'aller à Sault-Sainte-Marie parce que c'est à 7 heures de Toronto et ils vont tout faire pour ne pas y aller. Donc, il refuse d'être repêché par Sault-Sainte-Marie, même s'il le repêche quand même. Ils vont dire « Échangez-moi ». Et les gens de Sault-Sainte-Marie vont, quand ils vont voir Éric Lindros, vont l'accueillir avec des sus en le traitant de bébé parce qu'il va être échangé aux Generals d'Oshawa. Donc, ce n'est pas neuf ce qui se passe à Québec. En revanche, et là vous avez raison de le dire, c'est qu'on est dans un contexte politique très particulier. On est tout de suite après Lac-Meach qui a échoué parce que, souvenez-vous, le Lac-Meach, c'était pour la reconnaissance du Québec comme société distincte au sein du Canada et ça a été refusé. Oui. Donc, c'est un peu une gifle au visage qu'on avait reçue du côté politique. Déjà, un Québec à fleur de peau. Exactement. Sur la question de la langue, de la culture, de la reconnaissance de ce que nous sommes. Et là arrive justement en 91, Éric Lindros à Québec et les politiciens vont s'en mêler, dont Brian Mulroney, qui est chef du Parti conservateur, mais accessoirement premier ministre du Canada, qui écrit à propos de cette affaire ou qui va dire à propos de cette affaire. Qui est l'architecte de l'accord du Lac-Meach, qui vient d'échouer, donc. Il écrit « Je comprends mal l'attitude de Lindros dans le monde. Il y a des villes beaucoup moins agréables que Québec. Ça, je vous l'assure. » Et Éric Lindros, avec son grand front et son 6 pieds 4 de hauteur, va lui répondre. Il dit « Il me semblait que le pays vivait une récession et qu'il y avait des problèmes plus importants que ceux d'un joueur de hockey. » c'est une farce. Ouais. Donc, on a véritablement l'incarnation des deux solitudes, pourrait-on dire. Et au départ, c'est un problème de hockey, mm-hmm. mais vous l'avez dit, c'est un problème d'argent aussi. Comment le Canada voit tout ça, perçoit tout ça? Ils réagissent comment, les Canadiens anglais, à cette affaire Lindros? Ben, il y a deux attitudes. Dans un premier temps, vous avez les vrais amateurs de hockey qui se disent la seule raison pour laquelle Éric Lindros ne veut pas aller à Québec, c'est qu'il a peur de porter les défaites sur ses épaules et d'être dans une ville où le hockey est tellement important qu'il va être soit une semi-vedette, soit un semi-laissé pour compte. Mm-hmm. Et de l'autre côté, vous avez les journalistes qui, eux, vont dire, écoutez, les Québécois, vous êtes incapables de distinguer la réalité sportive et économique de la réalité politique. Vous êtes trop émotifs par rapport à ce sport et désengagez-vous pour ne voir, justement, non pas l'aspect politique, parce que si Lindros ne veut pas aller à Québec, c'est pas parce que vous parlez français, puis d'ailleurs, il l'a dit, il n'y a rien contre la culture française, c'est juste qu'il ne veut pas de cette petite ville. Ben, on y vient, justement, à cet aspect économique qu'on a mis du temps, effectivement, à comprendre. Puis, en préparant le dossier, ce qui est fascinant, c'est que ce qui reste dans nos mémoires, c'est l'aspect émotif. On a oublié les motifs plus financiers, plus économiques. Pour nous en parler, on écoute le journaliste sportif Claude Larochelle à l'émission Le Midi 10 du 12 août 91, au moment où Lindros demande, à ce moment-là, sa technique s'est dit, je vais demander ce que les Nordiques peuvent pas me donner. Ils lui offriront plus, mais plus tard. À ce moment-là, il demande 3 millions par année aux Nordiques. Bon, il faut se souvenir au départ là, que c'est un instrument, de quand on parle de l'ampleur, c'est un pavé énorme, c'est certain. Mais c'est d'abord un instrument d'intimidation. Un instrument pour dire aux Nordiques, là, vous perdez votre temps, Éric ne jouera jamais à Québec. Mais ça, les Nordiques avaient été prévenus un peu de ce genre de facture-là. Je pense qu'ils ne pensaient jamais qu'elle serait aussi salée, là. C'est tout. Le tout est basé pour Lindros, comme je disais, strictement une question d'affaires. Lui, fait un calcul premièrement. C'est son agent, ça, Rick Curran. Et ses parents qui sont très influents, Carl Lindros et Bonnie Lindros. Quel genre de calcul ils font? C'est que finalement, c'est moins rentable pour un joueur de hockey d'évoluer à Québec, par exemple, parce qu'il y a moins de retombées commerciales, c'est de dollars canadiens au lieu d'être des dollars américains. C'est ce genre Absolument. De facteur-là qui rentre en ligne de compte. Il y a le facteur, d'abord, compensation. Si on veut, des dommagements pour la différence entre le dollar canadien et le dollar US. Je pense aussi qu'il y a surtout une différence sur le plan des commerciaux. Lindros fait en enfant déjà des commerciaux. C'est curieux, il a seulement 18 ans. Et on le voit apparaître ici et là dans des magazines et à la télévision. Et c'est un type très intelligent, très brillant. Peut-être ça aussi. Il sait que c'est une question de dollars. Il sait déjà, ce type-là, à 18 ans, que c'est une affaire de dollars et de cents. Et je pense pas qu'il soit tellement réfractaire au milieu québécois. C'est simplement, lui, qu'il veut, il sent qu'il y a une grosse carrière devant lui. Il veut, son père est comptable, d'ailleurs, sur Bay Street, justement. Mm-hmm. Il veut en tirer le gros maximum. On voit que ça, c'est tout ce qu'il y a dans sa tête. Mais alors, c'est clair, Laurent Turcot, si Éric Lindros sait très, très bien comment manier la rondelle sur la patinoire, il sait aussi très, très bien compter. Oh, disons que votre intervenant avait raison, c'est que c'est le clan derrière lui dirige plus qu'il ne dirige. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, quand il commence sa saison, quand il retourne dans la Ligue junior après être pêché à Oshawa, il va assurer sa vie pour 5 millions de dollars. Donc, ce qui est quand même énorme. Et quand on parle de gros sous, quelques semaines après, les Nordiques, en octobre 91, lui offrent un contrat de 50 millions sur 10 ans. Ce qui a été jamais vu. Ouais. Il ne bronche pas. Il bouge pas. Il se Imaginez. Dit, ça peut être plus. Ouais. Il n'y a pas de plafond salarial à l'époque, hein, souvenons-nous. Éric Lindros est désormais membre de l'équipe des Flyers de Philadelphie. Un arbitre de la Ligue nationale de hockey a jugé que l'entente verbale entre les Nordiques de Québec et les Flyers prévalait contre l'entente écrite entre les Nordiques et les Rangers de New York. En échange de Lindros, à qui les Nordiques n'ont jamais réussi à faire signer un contrat, l'équipe de Québec obtient 5 joueurs, un choix de première ronde de repêchage l'an prochain et 15 millions de dollars. Donc, c'est en juin 92 que cette fameuse affaire Lindros se termine. Éric Lindros, on vient de l'entendre, va jouer à Philadelphie. Mais c'est jamais simple. Quand Marcel Aubu est dans la négociation, Laurent Turcot, c'est un fin négociateur, mais c'est jamais simple. Il y aura une transaction, une des plus importantes transactions de l'histoire de la Ligue nationale de hockey autour d'Éric Lindros, mais rocambolesque transaction. Racontez-nous comment ça se passe. Ah, ça pouvait pas être simple, en effet. Quand, en fait, on décide enfin d'échanger Lindros en juillet 92, là, le fax du Colisée de Québec ne dérougit pas. On sait officiellement que Marcel Aubu négocie avec 6 clubs et non pas un à la fois, les 6 en même temps. Ouais. Et là, on apprend à quelques heures d'intervalle que les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie ont conclu une entente pour Lindros. Pour les Rangers, qui sont les premiers à dire qu'ils ont conclu une entente, on cède Doug Waite, Tony Amonte, Alex Kovalev, qu'on connaît bien ici, John Van Veesbrook et 3 choix de premier tour plus 12 millions de dollars. Ce qui est énorme. Mais là, après ça, les Flyers arrivent et disent non, c'est pas comme ça, c'est nous qui avons conclu une entente. Et là, eux, c'est encore plus important. Donc, Peter Forsberg, Ron Hextall, Steve Duchesne, Mike Ritchie, Chris Simon, Kerry Hoffman, 2 choix de premier tour qui vont devenir Jocelyn Thibault et Nolan Baumgartner, et une somme d'argent de 15 millions. Imaginez. Donc là, on le sait qu'il y a 2 transactions qui sont faites, et là, on dit, ben qui a raison? Ben on va devant un arbitre. Mm-hmm. Un arbitre à Montréal, ça va prendre 2 jours pour arriver au délibéré, et là, finalement, on tranche, c'est les Flyers, Eric Lindros est envoyé, c'est la plus grosse transaction. Mesurez un peu aussi, hein. Peter Forsberg, c'est le premier choix des Flyers de Philadelphie, et voire même un des plus grands joueurs en devenir. Donc, juste avec Peter Forsberg, ouais, les Nordiques ont gagné de loin. Exactement. Parce qu'au fond, c'est ça, la morale de cette histoire pour ce qui est des Nordiques. Il y a eu tout ce psychodrame. Remarquez, ça a fait la publicité des Nordiques. Hein. Et puis, mais au final, une entente qui vraiment est une très, très bonne entente pour les Nordiques. Qu'est-ce qu'il va devenir, lui, de son côté, Eric Lindros? Ben, il va quand même avoir une très belle carrière. Il va remporter le trophée Hart du joueur le plus utile à son équipe en 95. Mais il ne gagnera jamais la Coupe Stanley. Il va se rendre très, très près au début des années 2000, mais ils vont perdre en 4 matchs. Et le pauvre homme, en fait, quand je dis le pauvre homme, c'est qu'il va subir une mise en échec extrêmement violente au début des années 2000 de Scott Steven, qui lui ramasse mais véritablement la tête alors qu'il ne regardait pas, et sa tête va tomber lourdement contre la glace. Il va avoir une commotion cérébrale. C'est pas la première. Il va en avoir 10 dans sa carrière, et tellement qu'à un moment donné, les médecins vont lui dire, écoutez, faut arrêter votre carrière, là, c'est fini, ouais, vous allez mourir. Mais il va continuer. Il va aller après ça avec les Rangers, après avec Toronto, parce qu'il rêvait d'aller avec Toronto, et il va finir avec les Stars de Dallas. Qu'est-ce qu'il dira de cette affaire-là, Eric Lindros? Plus tard. Ben, il va revenir, en fait, il y a peu de temps, il y a quelques mois, il était de passage au Québec à une émission de sport ici, et on l'a interrogé sur qu'est-ce qui s'est passé avec les Nordiques de Québec. Et visiblement, il en avait contre une personne, et cette personne, c'est Marcel Aubu. Et il va même déclarer, pour le côté un peu émotif qu'on avait eu à Québec, il dit, avec la culture francophone. J'ai marié une francophone. J'en avais contre le respect de cette organisation et la direction qu'elle prenait. Ouais. Donc, ce qu'on a pris comme un conflit émotif, politique, incarné dans la symbolique des 2 solitudes, n'était peut-être qu'en fait qu'un conflit de personnalité entre Eric Lindros et le clan Lindros, mm-hmm, et Marcel Aubu. Ce que Guy Lafleur avait saisi dès le début, ouais, quand il est allé à Toronto pour négocier. Avec aussi probablement cette question de gros sous, quelqu'un qui voulait tirer le maximum financièrement du talent qu'il avait. Puis le marché de Québec ne pouvait pas lui offrir ça. Ça, c'était assez clair aussi dans l'extrait qu'on entendait, entre autres, de Claude La Rochelle. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Laurent Turcot. Je vous en prie. Laurent Turcot, historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières, directeur de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et du divertissement. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.